le tam-tam de partout. On entend le grand vent qui caresse en rêvant les bambous. La grande idole rouge, on voit là-bas une forme qui bouge et dit tout bas un chant mystérieux, un chant très doux. Zumba, Zumba, écoute-moi. Enfin ma prière et ramène-moi vers celui que la rivière un jour emporta. Zumba, Zumba, tourne vers moi tes grands yeux pleins de lumière et ramène-moi dans ses bras, Zumba, Zumba. À ce moment, la tornade surgit tout à coup. La tornade a couvert le tam-tam et couché les bambous. Et la grande idole rouge, aux yeux luisants, la grande idole rouge, en s'écrasant, emporta dans les flots le chant si doux. Soir à Zumba, à présent dans la rivière encore se débat. Zumba, Zumba, ah, ainsi finit la prière, soir à Zumba, à Zumba, Zumba, Zumba. Fini la prière, un soir à Zumba, à Zumba, Zumba.